Le groupe Belloussi, votre spécialiste en sanitaire, chauffage, plomberie, partenaire des services des sports de Fly FM, vous offre ce programme. Fly FM présente Top Chrono, le magazine des sports avec Fred et l'équipe des sports. Bonsoir, bienvenue dans Top Chrono Week-end. Et oui, 1h30 de sport après ces pages musicales qui vous ont fait patienter. Vous avez apprécié si vous sortez de boulot, si vous avez terminé votre dure journée de travail. Il y en a que pour certains, ça continue, d'autres, ça va commencer. Mais je vous souhaite une bonne soirée. Et bienvenue dans Top Chrono Week-end, 1h30 de sport. Nous allons revenir sur tous les faits marquants de ce week-end. Mais pour démarrer, vous savez qu'on est une équipe, c'est la Dream Team de Top Chrono. Et on commence par Monique. Bonsoir Monique. Bonsoir Fred, bonsoir l'équipe. Et on a avec nous, bien sûr, Gilles, qui est venu sur les routes de ce tour des Terres de Vaucluse, pardon, ce fameux rallye. Comment tu vas, Gilles ? Très bien, bonsoir à toute l'équipe. Avec nous, bip bip, il s'appelle Didier Bougon, I run again. Hello. Hey, il faut toujours parler en anglais. What do you do? Mais heureusement que on gardera le mot pour la fin pour Jean-Yves. FM. Voilà Jean-Yves, je crois que tu peux reprendre la parole. Bonsoir d'abord. Bonsoir Fred, bonsoir à tous, et bonsoir à toutes. Et il veut sûrement un petit cours d'anglais, mais tu vas rester sage, je pense. Yes, I try. Et avec nous, eh bien toujours pareil, charmante et disponible, c'est bien sûr Marie, bonjour. Bonjour à toute l'équipe et à tous nos auditeurs. Et c'est parti pour le sommaire. Une pluie et une défaite qui le plonge dans le doute. Handball, National 3 féminine, les Mazanaises ont arraché un brillant match nul à plan de cuc. Rugby à 13, entraigue, pleure, Carpentras rit, tous les résultats avec Jean-Yves. Rugby à 15, la SBC à Nice, pas terrible, analyse et commentaires et aussi les autres résultats de cette journée de championnat. Football, Henri vous dira tout des derniers matchs joués. Rallye, le 26e Terre de Vaucluse a tenu toutes ses promesses. Athlétisme, Bibi Bougon est là et nous accompagne ce soir. Toujours fidèle. Nous aurons ensuite le magazine Horizon et un focus avec Bruce Caudron et Lucas Damignani de l'ASBH. C'est parti pour Top Chrono et c'est du... Le groupe Bélu... Top Chrono, basket. Ça y ressemble un peu le basketball parce que quand on parle Belloussi, Jean Belloussi qui est le co-président bien sûr de ce SAP Avignon, mais je me retourne vers Jean-Yves, on grince un petit peu des dents ce soir quand on regarde le classement, il y a des choses qui ne vont plus, est-ce que le SAP Avignon est déjà dans le rouge ou ce n'est qu'un début vers le bas ou vers le haut? Jean-Yves, question un petit peu bizarre, mais c'est la sensation que ce club est en train de nous livrer. Écoute Fred, les deux matchs de cette semaine sont soldés par deux défaites. Autant la défaite de ce week-end à l'extérieur pour le SAP était prévisible. Aller gagner à Lorient, c'est pas facile. Encore que on parle de Lorient, on parle pas de Quimper ou de Rueil, on parle de Lorient. Donc... c'était pas facile, mais allez, ça peut s'expliquer. Par contre, la défaite à domicile face à Orchi mardi soir dans la salle du COSEC, là par contre, ça pique. C'est la défaite de trop, je pense. Et c'est la défaite surtout qui plonge le SAP dans... si c'est pas encore la crise, en tout cas c'est l'interrogation et la crise, ben, j'ai l'impression qu'on s'en rapproche. Ouais, on s'en rapproche parce que déjà on se retrouve pratiquement presque relégable quand on sait que le Central Fédéral ne bougera pas. Par contre, juste derrière, ça va être Orchi, Tarbes, Lourdes, le Grand Avignon Sorgue. Il va falloir faire gaffe là parce que on paraît pas dans le basket, mais deux points, c'est déjà un fossé. Ouais, c'est déjà un fossé. Et puis en plus, ce championnat compact, comme on le disait hors antenne dans la semaine, Fred, l'inconvénient du championnat compact et l'avantage, c'est que une victoire te remet d'aplomb, mais une défaite te remet la tête dans le seau. Et le SAP en ce moment enchaîne les défaites. Mardi soir, dans sa salle contre Orchi, le SAP qui mène de 15 points au bout de 10 minutes, on se dit, bon, mais là, ça va bien se passer, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème. Et puis, petit à petit, on voit cette équipe du SAP Avignon Vaucluse qui se désagrège, qui se désintègre. Il se passe plus rien. Les mecs ratent des paniers, tombent des ballons. Et puis, quelque chose me dit que le vestiaire n'apprécie pas forcément les méthodes du coach. Alors, probablement que... Alors attention, pour ça, c'est vrai que tu as raison de le dire. Il faut savoir que Avignon est très riche en ce domaine, de changer des arbitres en cours de des entraîneurs en cours de saison, de retrouver des fois dans une saison trois entraîneurs différents. C'est déjà arrivé dans le passé. Alors, faire attention. On n'est pas dans ce cas de figure, Fred. Mais quelques indiscrétions me sont arrivées et certains cadres commencent à grincer des dents au sein du vestiaire parce que l'entraîneur qui a probablement d'énormes qualités techniques a une façon de manager son groupe pour le moins brutale. Et mais ça plaît pas forcément. Alors tu rappelles-toi, on l'avait dit en tout début de saison, hein, ce genre de management, quand ça gagne, c'est parfait. Il y a une spirale positive qui se met en place. Et puis là, les mecs suivent les yeux fermés. Quand ça gagne pas, Et puis je vais réconforter les propos que tu tiens, Jean-Yves, parce que quand on regarde la Nationale 3 poule L, eh bien le SAP Avignon a perdu dans sa salle et de telle façon que c'est quand même assez à souligner contre la Roche-Molière 98-79. Ouais, mais c'est signe que 20 points d'écart. Là, c'est quand même pas une rouste, mais c'est signe que quelque chose cloche dans le management du club. Le président qu'on avait vu en tout début de saison nous parlait de qualif. Là, on en est à parler d'éviter de descendre. Et pour avoir partagé pendant 8 ans, on va dire une passion que le basket il m'a livré, c'est Stéphane Dao aujourd'hui à Vichy. Ils sont, on va dire, quatrième de cette Pro B et ils ont encore gagné chez eux face à Bourg. 86-72. L'entraîneur qui a eu du mal à quitter le département parce qu'il est attaché. Et je crois qu'il rebondit d'une telle façon que c'est déjà pas mal pour lui. Preuve en est, s'il le fallait, Fred, que le problème n'était pas forcément avec le staff, mais probablement ailleurs dans ce club. On en a là aussi, on en a déjà parlé. J'ai eu la chance de parler avec un des anciens coachs de la saison dernière qui me disait rien de plus quoi. Il me disait regarde les résultats qu'il y a, probablement que la faute n'était pas que sur nous. Et ben voilà, là on est maintenant à 7 défaites pour 4 victoires en 11 matchs. L'heure est grave. En tout cas, il y a urgence. Le prochain match, c'est le Centre fédéral, me semble-t-il. Ça va peut-être le faire. Si d'aventure, il y avait une contre-performance contre le SAP, contre le Centre fédéral, là, par contre, alerte rouge. Alors, moi, j'inviterai, bien sûr, puisque nous, on est à la plaidoirie, on est en train un petit peu de tracer une radiographie de ce club d'Avignon. Eh bien, place à la défense. Et j'espère qu'ils viendront dans les studios nous expliquer qu'on peut croire encore à ce mariage dont les mariés ne commencent plus du tout à s'aimer. Ouais, mais voilà, c'est toujours la même histoire, hein. Tu sais, les mariages arrangés, eh ben, ça tient le temps de l'arrangement. Hein. C'est pas pour faire. Tu as rigolé l'autre jour et tu rebondis là-dessus. Mais pour faire un beau mariage, il faut beaucoup s'aimer. Et quand c'est un mariage, quand c'est ton père qui te vend au papa de quelqu'un d'autre, eh ben ça peut pas marcher tout simplement. Les mariages forcés, ben ça marche pas. Au bout d'un moment, ça marche pas. Donc attendons la suite. Attendons la suite et voyons ce qu'il en est de cette 11e journée de championnat. Le Central Fédéral recevait Chartres. Bien sûr, défaite 90-91. Lorient recevait le SAP Grand Avignon 84-82. Et Gévauges recevait Souffelsheim, 66-52. Grieshoffen. Oberhofen, pardon, excuse-moi parce que je t'entends dans les oreilles, recevait Caen, ils ont gagné 85-70. Et Chaland recevait Angers, victoire 67-65. Rieux en faisait de même face à Vitré, 80-67. Orchy en faisait encore aussi bien avec Saint-Vallier, 82-81. Quimper a pulvérisé Andrézieux 97 à 49. Et Rennes recevait Tarbes-Lourdes. Et c'est Tarbes-Lourdes qui a fait une victoire à l'extérieur et qui semble talonner un petit peu nos copains d'Avignon avec un score de 83 à 60. Pourquoi ? Parce que si on regarde le classement, et bien c'est Souffelsheim qui est premier avec 21 points, deuxième Quimper, troisième Rieux. On redescend pour retrouver tout proche de chez nous Saint-Vallier, les Varois, les Alpes-d'Haute-Provence qui sont à la 9e place, et on retrouve 14e le Grand Avignon Sorgue, et on reçoit, et bien sûr, Tarbes-Lourdes. Je donne les résultats de la Nationale 3, tandis que Titeux Ludo va venir avec nous, on va le présenter dans quelques minutes. En Nationale 3, Poule L, je vous donne les résultats. Terre Froide recevait Montélimar, victoire de Montélimar 83 à 71. Saint-Vallier 2 recevait Tournon, victoire 86 à 71. Nord-Ardèche recevait Saint-Just, Pointoise, 81 à 70. Le Grand Avignon, Sorgue recevait La Roche-Molière, défaite 98 à 79. Ravoir, Charles recevait Aix-Maurienne, victoire 78 à 72. Et défaite de Chalon face à Portisère, 84 à 69. Le Grand Avignon situe quatrième dans cette poule dominée par Montélimar. Il y avait de la pré-nationale avec les Entraigois qui ont fait quoi ? Ils sont allés gagner du côté de Rognac pour le petit résultat. Les Anglais ont perdu du côté de Rognona. C'était le derby et le choc. 78 à 66. Et les Anglais, quatrième dans cette poule de pré-national. Poule B. Et Entraigues est sixième avec 8 petits points. Les filles de la Barbière sont toujours premières. Et elles ont fait le buzz puisqu'elles sont allées gagner du côté de la Simiane par un score de 64 à 55. Elles sont seules leaders de cette poule de pré-nationale féminine. On en a terminé. Top chrono, handball. Allez, on va parler un petit peu d'handball féminin. On va voir les résultats de la Nationale 3 féminine. On va appeler Karl Vinsonneau dans quelques minutes, l'entraîneur de ses filles de Mazan qui avait besoin de victoire. Et juste avant de parler handball, comment tu vas, Ludo ? Bonsoir à tous, mais je vais très très bien, merci. Alors merci d'être venu ce soir. C'est vrai qu'on va parler tout à l'heure au rugby à 13. Oui. Entraigues qui pleure et Carpentras qui rit. On verra ça tout à l'heure. On va rester dans le handball, si tu le permets. J'ai suivi un petit peu trop vite. On a Karl Vinsonneau. Bonsoir, Karl. Bonsoir. Ah, je l'ai vraiment tout petit. On va améliorer, j'espère. Ouais, je suis. Ouais, voilà. Je suis dans un grand magasin, c'est bon. Oui, tout à fait, Karl. Je fais mes courses. Ouais, vous êtes allé chercher quand même ce nul à Plan de Cuc. Rien de facile, hein, parce que cette équipe de Plan de Cuc, ils jouent à deux niveaux. Ils ont une nationale 3. Et il me semble qu'ils ont un plus haut niveau, il me semblait, en féminin. Ouais, ils ont une deuxième division, hein, une D2. C'est bien pour ça. Aller chercher le nul là-bas, je crois que les filles se sont arrachées. Surtout quand on regarde un petit peu le championnat, il faut rien lâcher après la sixième journée. Hein, parce qu'il n'y a pas de différence entre pratiquement. On va dire aussi, on va donner le buzz à Bordeaux-Péage qui a pris un petit peu le large. Mais après, derrière, ouais, tout est jouable. C'est au-dessus, oui. Ouais, il y a 4-5 équipes, 6 équipes qui sont à peu près, je pense, du même niveau, d'un niveau équivalent. Et ça va être compliqué, ouais. Ouais, et puis, ça va être les équipes qu'on va jouer là, les trois prochains matchs surtout. Qui c'est que tu reçois ? Qui c'est que tu reçois ? Vous déplacez où ? Je reçois Étoile Beauvallon et je me déplace à Clermont-Salagou après. Ah ouais, non, on va pas donc dire. C'est pas facile. Les deux équipes qui sont devant moi. Bien sûr. Globalement. Ouais, exactement, tout à fait. Voilà. Elles sont juste devant toi. Par contre, Étoile Beauvallon, eh bien, ça va être un match, je veux dire, assez tendu parce que celui-là qui va gagner, ben, il va prendre pratiquement la. On va pas dire la troisième place, mais il peut prendre la cinquième place après ce match. Ouais, il peut prendre une troisième place. Même une troisième place, même ouais. Si Ajaccio revient bien. Ouais, parce que bon. Il peut prendre une troisième place. Bon, après, il y a Clermont qui, je sais pas qui joue. En fait, ça dépend un petit peu où on joue et contre qui on joue. Si on est à domicile ou on est à l'extérieur. Mais bon, il faudrait qu'en décembre, on soit au moins dans le quatuor pour espérer faire un t'aimerais aller un jouer championnat retour plutôt intéressant. Ouais, tu aimerais cette année un petit peu finir dans, on va dire, c'est quoi, c'est les 8 premiers qui sont qualifiés pour le... Bah alors non, parce qu'il va y avoir une autre fonte des poules, elle sera pas l'année prochaine, et on nous a annoncé 18 mois supplémentaires, donc c'est pas tout de suite là. Bon, pour se maintenir, il faut être dans les 8 premiers, non, dans les 10 premiers, non. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Dans les 9 premiers. Dans les 9 premiers, ouais. Ouais. C'est ouais, bon. Enfin ça, j'espère que c'est même pas l'objectif de la saison. Enfin, j'espère que, ah bah oui, que cette année, les 9 premiers, ça sera fait rapidement. Bien sûr. Dis-moi, parlons-nous un petit peu de cette équipe. Les coupures, ça gêne pas trop un petit peu la préparation? Si, ça gêne forcément. Pour maintenir les filles un peu concentrées, un peu motivées, c'est toujours compliqué. En plus, moi, j'étais parti en formation sur Dijon, au Krebs de Dijon la semaine dernière, donc c'était encore plus compliqué n'étant pas là. Et oui. Donc voilà, et puis bien sûr c'est compliqué, là cette semaine on joue pas, on joue la semaine d'après, et puis jusqu'au 10 décembre, et après on a une énorme coupure jusqu'au 5 février. C'est dommage parce donc, que c'est vrai que quand je vois... C'est compliqué, ouais. Ouais, parce que quand tu arrives, quand tu viens de faire un match nul à l'extérieur, plein de cul, que c'est pas quelque chose de facile, vous avez bien joué. C'est vrai que derrière, tu aurais de suite pris Étoile Beau Vallon. Je veux dire, tu as la dynamique de bons résultats. Ouais. Les filles sont concentrées sur le sujet, c'est mieux, quoi. Que là, on coupe encore... Bah oui, c'est toujours plus sympa d'enchaîner, et puis même pour le rythme, hein. Ouais, tout à fait. L'entraînement, ça vaut pas un match, et pour le rythme, c'est toujours plus intéressant de pouvoir jouer tous les week-ends qu'un match tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Enfin, ça c'est clair. Hein. Ouais, t'as pas trop de blessés. Non, il y a pas trop de blessés. J'attends un peu les nouvelles. Clara Gamet, qui à la dernière seconde samedi soir s'est tordu le genou, donc j'attends de voir un peu. Ça allait mieux aujourd'hui, elle a dû prendre rendez-vous pour faire une IRM, ça prend toujours un peu de temps. Donc on va voir comment ça va progresser, sinon j'ai tout le monde va bien. Les championnats Ligue Jeune se passent très bien aussi, parce que je sais que vous êtes engagé dans plusieurs championnats. Les sont qualifiés pour la poule haute, puisqu'ils ont battu ils ont battu Nîmes la semaine dernière, et ils ont battu Cannes cette semaine, qui était premier du championnat, donc voilà, c'est plus ou moins fait. Ah oui. Bien. Et puis les moins de 16 mètres ont gagné ce week-end, les moins de 16 Méditerranée, donc ont gagné ce week-end. Voilà, c'était un bon week-end pour le major dans tout compte à handball. Ouais, surtout que tu t'occupes un petit peu de tout ça, je sais que tu es multifacette dans le handball, hein. Et tu visionnes un petit peu tout ça. Pour les jeunes, c'est pas pour major, mais la bonne nouvelle, c'est que le comité du Vaucluse en féminin a fini premier des intercomités régionaux en battant les Bouches-du-Rhône et les Alpes vendredi 11 novembre en préparation des tours nationaux. Donc voilà, elles ont joué 4 matchs, elles ont gagné les 4, et les garçons ont fini deuxième, donc c'est bien pour les sélections aussi. Merci Karl de toutes ces nouvelles, ça nous fait très plaisir de t'avoir. Il va falloir venir nous rendre visite quand on aura les belles coupures, tu nous l'as déjà annoncé. Ouais. Alors je sais qu'on va pouvoir t'inviter dans les studios et pouvoir un petit peu s'étaler. Au mois de janvier, voilà, je suis plutôt dispo au mois de janvier. Hein. Ah mais je pense qu'au mois de janvier, tu viendras couper la galette des rois dans les studios de Fly FM. Avec plaisir. Merci Karl pour toutes ces infos. Soir, à bientôt. Voilà, je vous donne un petit peu, est-ce que j'ai donné les résultats de cette Nationale 3, Jean-Yves? Je crois pas, tiens. Eh bien, tu vas t'y coller, c'est la poule 8 dans cette Nationale 3 féminine. J'y arrive, Fred, d'une petite seconde, je l'avais il y a une seconde. Et elle est en train de nous dire qu'il faut remplir le frigo, voilà. Mais on va juste passer les résultats, puis après on va au frigo. Donc, plan de cul que Mazan 27-27, Cagnes hier 26-26. Bourg-de-Péage est allé s'imposer à Étoile sur le score de 17-25. Marseille-Nord-Bouillargues, victoire de Bouillargues à l'extérieur, 38-41. Clermont-Lacroix s'impose sur le score de 40-24. Ajaccio, Grasse, 28-23, Fred. Allez, on revient avec du handball. On va rester avec Jean-Yves juste après les fameux résultats de cette Nationale 3. Il y avait du pré-national féminine et bien sûr, on a le club de Sorgues et les Sorgues du Comtat qui sont engagés dans ce championnat. Voyons ce qu'ont fait nos Sorgueses et nos Comtats venessennes. Alors, Châteauneuf, Miramas 26-25, Port-de-Bouc, Grand Avignon, victoire du Grand Avignon sur le score de 19-29, Aiguière-Bolène 26-20, Sorgues du Comtat, La Ciotat 29-15, Gardanne, Porte d'Aix 25-37, victoire de Aix à l'extérieur, SPTT Marseille 42, Sorgues 23. Ce qui nous donne au classement premier, Porte d'Aix, me semble-t-il. Hein. Aix-Port-de-Bouc, avec 21 points. Deuxième, la SPTT Marseille, 19 points. Trois, Grand Avignon. Et on retrouve les Sorgaises à la 10e place avec 9 points. Septième, bien sûr, les Sorgues du Contat qui sont beaucoup mieux placés. Par contre, les quatre derniers descendent. Alors. Ouais, ça va être compliqué pour le moment pour les Sorgaises. Exactement. Bon, juste avant de continuer, on a eu Ludo Titeux qui est arrivé. Comment tu vas, Ludo? Et est-ce que ça n'a pas été compliqué pour retrouver les studios? Non, impeccable, ça va, merci. Non, tout va bien. Enfin, le terminal un peu tard, je suis obligé de garder les petits. Vous savez, on est tous pareils. Je pense que toutes les personnes qui nous écoutent, eux aussi ont des choses à faire. Ils en profitent pour nous écouter. Et avec nous, le personnage emblématique du football, puisqu'on l'a appelé Monsieur Henri. Comment tu vas, Henri? Ça va bien, et toi? Monsieur, c'est appelé ou pas, non? Pardon? Monsieur Henri, c'est bien ou non? Ça fait un peu drôle. Ça fait un peu vieux, mais bon. Il est extraordinaire. On va le retrouver dans quelques minutes pour du football. Top chrono, rugby à 13. Alors messieurs, le rugby à 13, c'est pas terrible le résultat. On a été un petit peu ennuyés de voir que entrée, que cette fois-ci, que s'est-il passé? Parole à Titeux, qui est entrée quoi. Que s'est-il passé? Les Entraigois sont tombés sur une très grosse équipe de Villefranche. Parce qu'attention, ils avaient certains chouchanes dans l'équipe. Ça, c'est un petit peu ça, ouais. Le truc de l'année cette saison. Pour parler sur le match, donc bel après-midi ce dimanche sur le stade Guimauro-Entraigues. Temps impeccable pour jouer au rugby. Après, pour entrer un peu plus dans les détails, Entraigues arrivé avec 5 semaines sans jouer, sans compétition, contre une équipe de Villefranche qui est première de cette division Elite 2. Villefranche qui montre un gros effectif avec 2 Samoans et 3 Fidjiens. D'accord. Qui ont mené la baraque dure à cette équipe entraigoise. Après, dans l'ensemble, ils ont une très belle première mi-temps où ils tiennent le rythme sur cette équipe de Villefranche qui en défense a donné de sacrés impacts. Moi, ce qui me dérange un peu plus, c'est ce qui va être un peu mon coup de gueule, c'est que on a une équipe d'Entraigues qui, sur certains joueurs, qui essaie qui donne le maximum d'eux, sans le nommer Jimmy Jean qui a 35 ans et encore le fer de lance de cette équipe, alors qu'il devrait jouer un peu plus en retrait et s'amuser un peu plus, prendre des ballons un peu plus agréables. Là, au contraire, c'est lui qui a à chaque fois essayé de remettre les jeunes dans le droit chemin. Alors, moi, je vous pose une question. Est-ce qu'Entraigues, aujourd'hui, n'est pas un petit peu tendre à la maison pour prendre une correction comme ça? Est-ce qu'il ne fallait pas un petit peu faire les politesses qui se doivent dans le rugby? Je pense qu'il y a un effet de tendresse. Après, c'est une équipe très jeune. Ils ont un pack qui est, je pense, le moins costaud de cette Elite 2. Il leur manque du poids. Et après, je pense qu'il y a certains joueurs qui se voient un peu beaux et qui ne jouent pas le jeu. Jean-Yves, tu reviens un petit peu sur cette analyse de Ludo. Oui, bien sûr que cette analyse, je la partage. Est-ce que Entraigues est un petit peu tendre? Il y a un mois, lorsqu'ils ont filé 40 points à Ferrals, on a tous crié au génie et en disant qu'ils avaient fait le job et plus que le job. Et n'oublions pas qui est Ferrals. Hein. Ferrals, c'est un des épouvantails de cette... De cette division. Est-ce qu'on avait alors tu veux dire qu'on avait joué le match avant de le jouer, tu crois? Non, je crois juste que Villefranche d'Aveyron est différemment armé dans ce championnat que d'autres équipes. Et quand tu prends les effectifs de Bao qui enregistre la signature de quelques anciens joueurs d'élite, quand tu prends Villefranche d'Aveyron, là aussi qui a quelques monstres dont Ludo vient de parler, des Samoans, des Fidjiens, alors même si ces types sont pas de grands joueurs de rugby, physiquement ils font plus mal que certains joueurs jeunes joueurs entraigois. Et puis peut-être c'est une défaite qui me chagrine, messieurs, qui me froisse un petit peu parce que on ne doit pas perdre avec 31 points d'écart. Je pense qu'il n'y a pas 31 points d'écart entre les deux formations. Elle le chagrine parce que, comme je le dis, voilà, il y avait 5 joueurs qui ont mis l'équipe en avant. Donc, je vais dire leur nom parce qu'il faut quand même le dire. Donc, il y a Jimmy Jean, il y a Cédric Malter qui a fait un très gros match au poste de meneur. On a un Julien Cordonnerie devant qui a essayé de suivre Jimmy qui était repositionné au centre, mais qui a essayé de faire avancer ce pack. On a eu le jeune Esteve Valentin qui a été prêté par le SOA, qui a joué troisième ligne, qui a fait un match, enfin, qui a le niveau, quoi, donc qui a fait un match énorme. On a le jeune Fontanier aussi, qui joue au centre, qui a mis deux beaux essais. Et après, voilà, je pense qu'il y a des joueurs qui s'imaginaient pas l'ampleur et l'écart qu'il y avait entre la Nationale 1 et l'Élite 2. Je pense qu'ils prennent les consignes de William à la légère, ou alors ils sont dépassés par les événements. Et juste pour donner un exemple, passé sur le milieu de la seconde mi-temps, Villefranche enchaîne trois chaînes de tenue sur le côté droit d'Entraigues, et Lillier se met à genoux et demande à son coach de sortir, quoi. Ouais. Enfin, il y a des choses qui sont... Voilà. Enfin, pour moi, c'est pas normal. Pas moi, je pense que entre la Nationale 1 et l'Élite 2, Il y a un énorme palier à franchir. On le voit, Villegayenc qui évoluait l'an dernier en National 1 à toutes les peines du monde, aussi cette année en Élite 2. Simplement, effectivement, il y a un palier. Alors, et probablement qu'il y a des joueurs qui n'ont pas pris conscience parce qu'ils se sont vus beaux. Ils ont fait deux finales l'an dernier. Tout va bien. Quand tu fais deux finales, ben, tu te prends, entre guillemets, pour un autre. Et là, à la vue de ce qu'on nous raconte Ludo, eh ben les mecs qui sortent du lot, c'est des types qui ont évolué au niveau supérieur. Jimmy Jean, Malater, ces mecs qui ont évolué en élite. Moi, je vais revenir sur une question que je vous pose. Messieurs, quand on voit Carpentras, l'année dernière, ils avaient toutes les peines du monde. Ils ont toujours évolué dans cette Élite 2. Ils ne sont pas mariés avec un grand club, parce qu'Entraigues, il est un petit peu aidé par le SOA. Ouais, et là, on les retrouve. Ils font encore des résultats, messieurs. Ils sont troisième ce soir encore. Oui, parce que ils ont appris. Parce qu'ils ont appris. C'est ça. Ils ont filé 48 ce week-end. 48 à 24 face à Lyon-Villeurbanne. Ouais, bon, après, bon, Lyon-Villeurbanne, ouais, aussi, mais il faut remettre les choses dans le contexte. Mais effectivement, la saison de galère de Carpentras l'an dernier leur sert cette année. Et ils ont appris. Ils ont appris. Le match contre Entraigues en début de championnat, ils doivent le perdre 100 fois. Sauf que l'expérience fait qu'ils n'ont pas paniqué quand ils ont été dominés. Et probablement que c'est ce que doivent apprendre nos amis entraigois. Ils doivent apprendre à ne pas paniquer quand ils prennent la marée. Ils doivent apprendre à poser le jeu. Et voilà. Mais d'après moi, c'est pas très grave. Il me semble que c'était très tactique, pardon, tout cela. Est-ce que l'entraîneur est à la hauteur d'une élite? Parfaitement. Ah, William, oui, largement. Bon, d'accord. Voilà, largement. Je pense que certains joueurs ne pense pas que le travail qu'il fait est énorme, et il faut le récompenser le dimanche sur le terrain. Il y a deux entraîneurs de haut niveau à Entraigues. Il y a William, qu'on connaît, qui a évolué en tant que joueur et en tant que coach en Élite 1 avec le SOA, qui est aussi cadre régional, donc aucun doute sur ce garçon. Parce que je me suis aperçu, mais messieurs, et c'est grâce à toi, Jean-Yves, quand tu es allé voir beaucoup de matchs USOA en Élite 1, Renaud Guigue a un œil vigilant et il fait des changements, oui, mais des fois tactiques qui sont très, très, très bons. Et je sais qu'à 13, c'est important, ça. Oui, mais William fait partie de cette trempe-là. Et un mec comme Julien Scaramuza, il n'a pas fait deux finales l'an dernier par le simple fait du hasard. Exact. Tout à fait. Donc puis il est formé, il arrive de formation. Il est allé se taper une semaine à Toulouse dernièrement. Donc, Julien et William, ils font le job. Mais à un moment, comme le disait Ludo, quand il y a un mec qui joue à l'aile en plus et qui explose au bout de trois chaînes de tenue en défense, c'est peut-être que le problème n'est pas que technique. Et il y a ce que les Anglais appellent un gap, un écart entre la Nationale 1 et l'Élite 2. probablement que tout le monde n'en a pas pris conscience au sein de l'effectif. Alors, messieurs, si vous voulez, pour ces fêtes de Noël, on essaiera d'avoir les Entraigois. On essaiera d'avoir les entraîneurs ici. Oui. Et parler un petit peu, essayer de comprendre ce qui peut aller et ce qui ne va pas aller si ça continue comme ça. Non, mais ça ira. Ça ira parce que ils ont des bons joueurs. Ils ont des mecs qui tiennent la baraque. Contrairement aux Carpentraciens l'an dernier, qui se reposaient sur à peu près rien l'an dernier, et qui ont dû leur salut à deux miracles dans les deux matchs qu'il fallait gagner. Là, à Entraigues, il y a de la valeur. Il y a le petit Malter qui pue le rugby, il a un talent extraordinaire. Il y a Jimmy Jean, on a eu ses parents il y a 15 jours ici. Il fait tout au mental, ce garçon. Il a 35 ans. Moi, j'ai l'impression qu'il a toujours joué en première Entraigues. Ça fait 30 ans qu'on le voit bientôt. Et donc, sur ces mecs-là, on peut construire. Enfin, je sais pas, Ludo va. Ouais, non, tu as raison. On peut construire du jeu. Après, je pense que William sait qu'il n'a pas un gros effectif et que son 6 de devant n'est pas le plus costaud de l'élite 2. Mais il va mettre. Enfin, il va mettre. On voit qu'il met un système à noter. À noter aussi l'absence de Rue ce week-end. Oui, et pas Rue et. Rue. Le veau d'aîné. Son nom va me revenir. Et Rue est un mec qui prend. Dallara. Et Dallara. Rue et Dallara, c'est mecs qui prennent des ballons tout après-midi, quoi. Et messieurs, peut-être vous rebondirez sur ce que je vais dire. Il faut gagner à la maison. Quand on démarre un championnat comme ça qui est compliqué, il faut au moins jamais perdre à la maison, essayer de se battre au maximum. Où le rugby à 13 est un petit peu plus compliqué que le rugby à 15. Ouais, mais encore une fois, je reviens sur l'exemple de Ville-Gaïenc qui monte aussi et qui perdent aussi chez eux. Alors bien sûr, et en plus, on perd contre Villefranche. C'est-à-dire, on n'a pas perdu contre Deguin et ses frères. Hein, on a perdu contre une équipe qui est armée pour aller postuler en élite 1 la saison prochaine s'ils ont un petit peu d'argent. Eh bien, on va suivre ça de très près. Messieurs, peut-être Jean-Yves, les résultats de cette soirée, surtout de cette journée de championnat, la sixième journée avec le SOA qui s'est fait lui aussi peur à domicile face à une équipe d'Albi qui n'est pas donnée comme une grosse formation. Ouais, l'équipe d'Albi qui était venue manifestement faire un coup à Avignon ce week-end, qui a failli le faire, puisque les Avignonnais ont entamé le match tambour battant, ils ont rapidement mené. Et puis, il y a un truc qui se dérègle, on lève un petit peu le pied et on remet les Albigeois dans le match, jusqu'au moment où connaissant Renault, on n'a pas de mal à imaginer ce qui a dû se passer à la mi-temps dans les vestiaires. Et puis, petit à petit, ils s'en sont sortis. C'est la différence, encore une fois, quand on parle d'expérience à ce niveau-là. Les Albigeois qui montent juste depuis un an et le SOA qui est en élite depuis maintenant quelques saisons, ça se fait sur l'expérience. On s'en sort. Enfin, les Avignonnais s'en sortent parfaitement bien puisqu'ils gagnent de 2 points sur la cloche. Tant mieux, ça permet aux Avignonnais d'être toujours 5e de ce championnat. Devant, on retrouve le 13 catalan, Lézignan, Carcassonne et Limoux. Ça, c'est le quatuor des intouchables. Probablement que pour aller chercher ces équipes-là, il va falloir se les peler, ça va être très compliqué. Mais après, les trois Audois et la réserve des dragons catalans, ils sont là. Ils sont là et ça va être dangereux tout le long. Allez, je te propose les résultats de cette sixième journée avec un enchaîné derrière les résultats de l'élite 2 pour savoir un petit peu qui a joué, qui a gagné, qui a perdu. Alors, dans cette sixième journée, donc derby catalan entre 13 catalans et Palo revient au 13 catalans puisque 20 à 4. Le Avignon Albi, on l'a dit, 24 à 22. Lézignan est allé a mis une correction à Toulouse Broncos sur un score de 60 à 6. Limoux Villeneuve 28 à 10. Saint-Gaudens Carcassonne qui s'impose sur le terrain de Saint-Gaudens. Donc on l'a dit au classement, 13 catalans, Lézignan, Carcassonne, Limoux, 5e Avignon. Ils sont dans le truc. Je laisse l'élite 2 à mon coéquipier. Alors pour l'élite 2, donc l'Escure Ferrals qui a été remis sûrement à un temps pluvieux. Ensuite, le match de ce week-end à Entraigues qui était opposé à Villefranche, ils perdent 20 à 51 sur leur stade. Carpentras qui gagne par contre lui chez lui contre Lyon-Villeurbanne 48 à 24. Ville-Gaïenc qui perd contre Bao 26-34 et Montpellier qui est exempt. président de la Fédération française de rugby à 13, j'espère qu'il va faire un effort pour enlever ces exams. Chaque fois, on se retrouve avec des championnats un peu truqués, quoi. Exams et surtout ces championnats qui sont pas du tout raccord, parce que on s'aperçoit qu'une équipe comme Bao a déjà joué 5 matchs, quand Entraig en a joué que 3. Donc ça permet, tu sais, il n'y a rien qui remplace, Carl Vincenot te le disait tout à l'heure, remplace la compétition. Donc quand tu passes un mois sans jouer, même si tu t'entraînes très fort, eh ben, tu manques de jeu. Le rythme est dur à trouver. La pub. Ah non, pas la pub, alors le 15, messieurs. Ah ouais, parce que... Omnibulé par la pub. Ah ouais, exactement. Parce qu'il faut aller très très vite dans cette soirée, parce que les résultats s'enchaînent très vite. On a du rugby à 15. On va revenir, bien sûr, sur ce championnat de Fédéral 2 pour le 4. Je vous donnerai les résultats juste avant de les commenter légèrement. Tricastin recevait hier au Carqueran, défaite 27-18. Saint-Raphaël Fréjus est allé à recevoir Saint-Jean-Royan, les futurs adversaires de la SBC, 15 partout. Châteauroux recevait Montélimar. Ils ont conquis du nougat, comme je l'avais dit dans les minutes sportives, 36-13, mais ils ont eu beaucoup de mal parce que ça s'est mal passé en première mi-temps. Et Nice a tendu le piège à Chabé-Darry de Château, 9 du Pape, puisque la SBC est allée perdre son premier match 22-16 du côté de Nice. Messieurs, Jean-Yves, on va y revenir. Le résultat avec Yara Carqueran qui est premier avec 25 points déjà. La SBC est derrière avec 21 points. Et on retrouve Château-Renard avec 21 points. Et un match encore en plus parce qu'il y a un exang dans cette poule. C'est encore la panique. Et puis on retrouve bon dernier Montélimar avec 5 points et Saint-Jean-Royan qui viendra sûrement essayer de bousculer cette ASBC. On va voir Barneron dans 5 minutes. Il ne répond pas. On va essayer de le rappeler, Cyprien Barneron. Et il m'a donné son accord. Ouais. Croyant qu'on pensait être la victime. Attention au micro, monsieur, s'il vous plaît, merci. Saint-Jean-Royan, qu'on pensait être parmi les victimes favorites de ce championnat. Et puis finalement, qu'on retrouve à une honorable quatrième place. Il va falloir être très méfiant pour la SBC le week-end prochain, avec la venue de cette équipe de Saint-Jean. Et puis voilà, nos collègues de la SBC qui sont allés subir le traquenard niçois hier, puisque manifestement c'était alors on a le troisième ligne, Cyprien Barneron de la SBC, et avec lui on va voir un petit peu comment ce match s'est aiguillé. C'était un petit peu le match piège, ils avaient un petit peu tout prévu, l'intimidation, on va dire le petit baiser amical qui se fait sur un terrain de rugby quand tu es à l'extérieur, les bonnes manières, on les connaît, les niçois. Il y a 2 ans ils nous avaient fait un petit peu la même misère. Cyprien est là, et oui, bonsoir Cyprien. Oui, bonsoir. Salut tout le monde. Ouais. Bonsoir. Comment tu vas? Dis-moi, on est en train un petit peu de faire la radiographie de ce match, mais c'est un petit peu ça, c'était le match piège. Raconte-nous, dis-nous tout, quoi. Ben, c'est le match piège, comme on vient de dire, on peut toujours recevoir. Hein, donc voilà, après, c'était. Nous, on avait pour objectif de ramener un minimum un point de chaque match sur la saison. Donc, bon, on va dire que l'objectif est à peu près rempli. Après, vu la physionomie du match, on aurait pu ramener plus, mais bon, voilà, c'était déjà pas trop mal. Ils ont essayé de vous faire disjoncter un peu dans ce match, faut dire ce qu'il y a, quoi. C'est vrai qu'ils nous ont un peu... on les connaît, les mecs de là-bas, ils font un peu les fanfarons, comme on dit, ils se croient un peu au-dessus, donc bon, voilà, ouais, ils nous ont un peu agressé au début, et puis voilà, quoi, nous, on a répondu, du coup, voilà, on s'est un peu passé le bonjour, quoi. Ouais, disons que vous êtes rentré un petit peu dans là où vous voulez vous emmener, quoi. Dans un match petit peu tendu et qui vous permet pas un petit peu de vous libérer, quoi. C'est ça? Voilà, ouais. Ouais, puis on a été on n'a pas fait un gros match sur le plan tactique. Si, on a fait un bon match, mais après, c'est qu'on s'est un peu jeté les ballons sur la gueule, comme on dit. Voilà, on a fait beaucoup de fautes de main, et puis en conquête, on n'a pas été... nous qui arrivons souvent à leur piquer des ballons, à contrer les adversaires en touche, là, Là, on est tombé sur une belle équipe bien en place devant, donc voilà, c'était compliqué après d'envoyer du jeu, quoi. Cyprien, bonjour Jean-Yves. Dis-moi, salut. Cyprien, du coup, quelque part, ils ont un petit peu réussi leur coup, parce que vous revenez avec une défaite, vous revenez avec un joueur très important dans le collectif qui est sur le toit pendant quelques semaines, du coup, je pense notamment à Chourault, le demi d'ouverture. Ça va être finalement... Le coup est parfait pour eux, quoi. Bah ouais, dans le sens où ils ont obtenu la victoire et puis ouais, on a blessé un joueur important pour le collectif, ouais, donc c'est vrai que ça fait un peu cher le déplacement. Allez, on te garde 30 secondes le temps de passer la pub. Allez, on est revenu bien sûr à le rugby, on est avec Cyprien Barneron, le troisième ligne de l'ASBC. Cyprien, cette équipe de Nice n'était pas du tout, c'est pas pareil sur le papier, la même formation qu'a affronté Montélimar. Sur le papier, je sais pas, mais en tout cas, c'est avec beaucoup de changements comparé à l'an dernier déjà. Ils ont eu pas mal d'arrivées et puis des bons joueurs individuellement très bons. Après, voilà, exactement Orquera qui nous a. Bon, ça fait un peu embêtant de dire ça, mais qui est encore de très joli rêve, quoi. Qui nous a fait beaucoup de mal, on va dire. Non, mais ça, on a eu déjà l'expérience avec Trécastin, hein, quand les vieux greniers rentrent, ils ont quand même l'âge, mais ils ont encore la maîtrise du ballon, quoi. Il a fait un très joli match, et puis il était un peu les doigts dans le nez, quoi, il était un peu tranquillou. Le genre de disque que tu peux pas toucher, quoi, touchable, tu joues un peu derrière, qui te balade au pied toute l'après-midi, donc ça serait assez frustrant, quoi. Jean-Yves, si on discute un petit peu de ce qui va se passer pour la SBC, Saint-Jean-Royan arrive, Saint-Jean-Royan qui va venir essayer de faire un truc, eux aussi du côté des Verdeaux, hein, on connaît le piège de Saint-Jean-Royan il y a quelques années en arrière aussi, qu'ils étaient venus se chipper une victoire à la SBC. Quoi. Ouais, Cyprien, ça, c'est justement Saint-Jean-Royan, ça arrive plutôt bien parce que ils vont essayer de venir vous embêter un petit peu et vous allez être obligé justement de vous reconcentrer. Finalement, ce match de Nice va peut-être vous faire du bien en faisant un peu retomber les égos là. Enfin, si tant est qu'il y avait des égos qui avaient gonflé, je pense pas que ce soit votre cas, mais en tout cas, probablement, et c'est naturel que certains se voyaient un peu plus beaux que ce qu'ils sont, et la défaite arrive à point nommé avant de recevoir Saint-Jean-Royan, non? Ouais, tout à fait, c'est ce qu'on s'est dit exactement, on s'est revenu à la fin du match au milieu du terrain en rond et on s'est dit exactement ça, quoi, que c'était au final peut-être pas plus mal pour nous faire un peu redescendre parce que pour éviter une déconvenue au Verdeaux, probablement. Comment ? Pour éviter une déconvenue dimanche au Verdeaux. Exactement, ouais. Puis oui, comme tu dis, pas se prendre pour des autres, voilà, perdre à Nice, il y a beaucoup de monde qui ira perdre à Nice. Ça fait partie du truc. Mais Saint-Jean, il faut savoir aussi c'est qu'ils ont pris des points partout, donc c'est une équipe qui est très accrocheuse. Donc, quatrième, voilà, ils sont pas très loin derrière au bout. Non, ils sont pas très loin. Et puis savoir que nous, ils viennent chez nous et puis après ils reçoivent hier. Donc voilà, ça fait. Je pense qu'ils vont venir avec de réelles intentions, donc il va falloir répondre présent. Ouais. Bon, j'espère que j'imagine que le menu des entraînements va être soutenu, parce que bon, le président Damignani est toujours un peu fâché avec la défaite, lui, il aime pas trop ça, mais bon. Mauvais week-end pour lui en plus, entre les juniors, la B, ça a dû ronfler un peu, non, hier soir hein. Forcément, la défaite, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Et puis, comme tu dis, Philippe, encore moins que les autres. Mais on va faire une bonne semaine d'entraînement. Et puis voilà, on sera prêt pour dimanche recevoir Saint-Jean et essayer de faire un bon match. Et voilà. Et après, vous reste quoi? Vous reste en match ou vous êtes déjà en vacances? Il nous reste Saint-Jean à la maison et après, on va voir rond. Voilà. Et après, on est en vacances. On est en vacances. Oui, je me comprends. C'est une coupure qui va être quand même très longue, quand même. Hein, ouais, très longue. Très longue coupure, donc il va falloir bien gérer la coupure, quoi. Très bien. Cyprien, on se voit dimanche pour le match en direct du Stade des Verdeaux. Ça marche. Va. Merci beaucoup. Merci, bonne semaine, Cyprien. Allez, on va aller très vite parce qu'on va parler de la Fédérale 3, Poule 9. Je vous donne les résultats de la soirée. Givor recevait les temps de bière. Ils ont perdu 18-13. Saint-Ronne 15 recevait Privas Victoire 24-18. Martigues recevait Avignon Le Pontet. Devinez ce qui s'est passé. Martigues a gagné 10-3. On va revenir avec Jean-Yves. Tandis que les Angles se sont, rachetés de ce mauvais pas qu'ils ont fait il y a quelques semaines. En gagnant face à ME 31-10. Et Beaurepaire recevait un puits. Victoire 20-15. Béret promis avec 32 points. Deuxième Martigues, 24 points. Troisième en puits. C'est une belle victoire pour les Angles puisqu'ils remontent à la quatrième place avec 20 points après cette septième journée. Et on retrouve encore une fois Sorgue Avignon Le Pontet, pardon, qui se pointe à la huitième place avec ses petits 8 points et qui lutte pour ne pas sombrer à la neuvième place, ce qui voudrait dire déjà Au revoir, messieurs. Et en poule 10, je vous donne les résultats et on va les commenter rapidement avec Jean-Yves. Aubagne recevait Palavas, défaite 24-17. Cavaillon recevait Siffon, victoire 48-0. Ça s'appelle mettre une rouste. Pour Vendre l'Espignan recevait Université d'Aix. Ils ont gagné 34-29, tandis que la Vallée de Gapot recevait Lille-sur-Sorgue. Match très tendu, mais victoire de la Vallée de Gapot 14-11. Et la Valette sont allés faire un tour à Paris en revenant à Bastia, puisqu'ils ont gagné 75-0. La Valette qui est premier avec 30 points, deuxième ex-université 21 points. Et on retrouve Cavaillon à la troisième place et quatrième, Lille-sur-Sorgue, à pratiquement 4 points du second de ce championnat. Le premier, il est sur une autre sphère. Il n'est même pas classé dans la fédérale 3 pour moi, Jean-Yves. Ouais, bah écoute, on va rapidement revenir sur la poule 9, celle qui nous intéresse, Fred, avec le Pontet et les Angles. Le Pontet, bah, qui encore une fois, hein, chope un petit point de raccro là, et bah, ça fait 8 points. Ils ont 8 points, ils sont 8e en ayant gagné un seul match. C'est pas mal. Ben ouais, c'est bien parce que encore une fois, ils ont chopé, quand on regarde, ils ont chopé 4 bonus. Les Pontessiens et c'est peut-être ça qui va leur les sauver. Ça va être compliqué, en tout cas leur tenir la tête hors de l'eau le plus longtemps possible, clairement. Ils ont encore pas gagné, mais ils prennent ce point. Alors probablement que c'est du bon boulot de la part de Jean-Marc Pigeot et de Nico Roche, hein, puisque avec un effectif plus que compliqué, voilà, à gérer, les Angles qui se rachètent et qui confirme qu'ils sont dans le bon tempo. Lille-sur-Sorgue, quatrième, c'est un bon résultat pour une équipe qui monte. Ils ont une défaite très courte qui leur permet de choper encore un point de bonus à eux aussi. Cavaillon, pareil. 19 points pour Cavaillon, 3e, 18 points pour Lille-sur-Sorgue. C'est d'excellents résultats pour ces deux équipes, Fred. Et Monteux qui est allé gagner du côté de ces Saturnins, ils ont dû sûrement se rendre les politesses en arrivant. Mais en tous les cas, ils ont gagné 34-13. Et les Montiliens en honneur PACA, bien sûr, régional, fait une belle saison. Et c'est pas honte qu'ils puissent rejoindre le leader qui est le Laurentin, Saint-Laurentin, avec 27 points. Ils ont 23 points. Et ces Saturnins juste derrière, avec 23 points, ça a été un petit peu le derby du week-end. Mais quand tu gagnes un derby comme ça, avec un score important à l'extérieur, Jean-Yves, c'est bon pour le moral. Ouais, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral des Montiliens qui continuent sur cette lancée. Et c'est ça qui avait l'occasion de faire le coup et qui ne l'ont pas fait, malheureusement pour eux. Top chrono, football. Allez, on arrive avec notre ami Henri. Il était en train de boire et de manger. Il vient juste de s'essuyer. Tout compte fait. Non, je plaisante. Et parce que Henri, ce soir, est arrivé avec les bras chargés. On n'a pas invité tous les gens qui nous écoutent. Non, on est très heureux que vous partagiez top chrono. Ça veut dire 1h30 de sport. On a déjà élaboré pas mal de sujets. Mais venons au football, Henri. Je crois que le championnat a repris ses droits. Et est-ce que je ne me suis trompé? Parce qu'on est en tournée internationale. Oui, ce week-end était réservé beaucoup aux matchs internationaux pour les équipes internationales. Donc il y a eu quelques matchs en retard pour le championnat du Rhône-Durance et match de Gambardella également concernant les U19. Alors on va s'arrêter deux minutes parce que je sais que tu es un immense passionné de football, cette équipe de France qui gagne. Et devant une équipe de Suède dont notre ami Zlatan n'était pas là. N'était pas là, oui. Donc le match a été compliqué au départ. Bon, on s'endormait. Personnellement, je trouve qu'on s'endormait devant le match à la première mi-temps. C'est pas le cousin à Jean-Yves des fois. Tu n'as pas de point de relation avec lui parce que alors toi en principe... Alors lui, c'est la taille, lui taille avec le sécateur et toi c'est Carmalache. Non, comme non, quoi, mais... tu vois, c'est cette place, Fred, qui il a pris mon ancienne place et c'est ça qu'il a. C'est ça la bonne humeur de cette émission, messieurs, à vous. Donc non, le match a été compliqué et c'est vrai qu'en 20 minutes, en deuxième mi-temps, il y a eu un gros changement, notamment à partir du moment où la Suède a ouvert le score. Et à ce moment-là, l'équipe de France s'est mise vraiment à jouer et elle est revenue rapidement au score et ensuite a marqué le deuxième but en 10 minutes. Donc, ouais, prochain match, tu es confiant, même s'il y a l'absence de notre buteur incontournable. Oh, on va dire que c'est un match amical, c'est pour le plaisir. Bon, ouais, je crois que là, c'était fait un peu esprit, non, de mettre un petit peu les cadres au repos, non? On va pas dire faire esprit, mais bon. Mais je pense qu'il veut aussi faire jouer les jeunes qu'il appelle en équipe de France en ce moment. C'est vrai que pour ça, Didier Deschamps, on peut tirer le chapeau. Et, vas-y. Paris, parce que je suis pas du tout footballeur. Mais Patrice Evra, il est toujours dans l'effectif ou pas? Si, il est toujours. Il fait toujours partie de l'effectif. Mais c'est vrai qu'il était, on va dire, en quelque sorte réserviste, vu que Kurzawa s'est blessé. D'accord. Il a été appelé pour le remplacer. Peut-être que tu reviendras sur mes mots, et je pense que toi aussi, Ludo, oui. Patrice Evra est quelqu'un fédérateur. Qui emmène un petit peu les. Il a le caractère. C'est le doyen de l'équipe. Voilà. Mais il passe bien avec tout le monde. Il est fédérateur de cette ambiance aussi qu'il y a en équipe de France. Voilà. D'après ce qu'on voit actuellement, c'est effectivement ça. Il emmène de l'ambiance, il encadre les jeunes. Donc tout le monde est apparemment satisfait, et surtout Didier Deschamps, de ce qu'il a pour finir dans le staff de l'équipe de France. Ouais. Peut-être, on ne sait jamais. Allez, on va sur les résultats, messieurs, si vous voulez, si tu veux bien, Henri, parlons un petit peu de cette fameuse Coupe Gambardella qui, heureusement, grâce à toi, est mise un petit peu en valeur, parce que vraiment, ça se joue à couteau tiré, et là, on ne fait pas de cadeau dans ce championnat. Hein. Ah non, c'est surtout... Dans cette coupe, pardon. Oui, on jouait le cinquième tour, donc il y a un match qui opposait Orange contre Perne, donc l'équipe d'Orange a bien attaqué son match, mais malheureusement, malgré la supériorité au niveau du jeu en début de match, ils n'ont pas su concrétiser leurs occasions. Et le match a évolué également en seconde période où Perne a ouvert le score à la 64e et a doublé à la 90e minute. Et s'est qualifié pour le prochain tour. C'était un match de bonne facture, d'après toi ? Bah, c'était un match qui était intéressant. C'était intéressant, d'accord. D'autres résultats peut-être, Henri ? D'autres résultats, il y avait un match en retard en PHB poule A qui opposait le Pontet 3 à Rasto. Donc le Pontet gagne à domicile 4-2. Les féminines montiliennes devaient jouer, mais gagnent par forfait contre Mouans. C'est moins bien, surtout pour la compétitivité de ces filles. Si en plus... Surtout que le prochain match sera un peu compliqué. Donc quand on ne joue pas, on n'est pas dans le rythme. Le week-end prochain, tout le monde reprend ses droits ou on est toujours en semaine internationale? Non, tout le monde reprend ses droits. Qu'est-ce que tu nous apporteras, Henri? Est-ce que tu vas te déplacer sur une des terrains pour voir un petit peu évoluer des formations? Cela ne serait tardé. Comme le disait le collègue tout à l'heure, avec les enfants, c'est un peu compliqué. Donc, logiquement, on a un match à Courthézon le 27. Je sais pas si c'est dimanche 27 ou le 27. Exactement, oui, le 27, ouais. Donc j'y serai. Eh bien, ça va être super. On va s'éclater, surtout que les dirigeants de Courthézon, du Sporting de Courthézon, nous ouvrent les bras grand ouverts. Oui, mon cher Didier Bougon. Alors, j'avais une petite question, c'est Henri. Les gens du Nord ont toujours une petite question. Une petite question qui peut être grande, c'est que j'ai eu des échos personnels concernant le Pontet au niveau de la CFA. Et que, bon. Il y a quand même des quiproquos au sein de l'équipe dirigeante. Alors, il semblerait, d'après les on-dit, j'espère que ça ne te concerne pas, que quelques personnes qui mènent les repas à domicile les emplois vont être supprimés pour pouvoir renflouer la CFA. C'est tout à fait une boutade. Non, mais justement, tu es en plein dedans. C'est parce que la CFA. On est quelques employés municipaux, nous, voilà. Qui à la mairie parce du Pontet. Moi, je travaille pas au Pontet, lui, oui. Moi, oui. Mais non, pareil qu'au niveau du club de foot. Mais c'est bizarre, l'USAP. Ne prenez surtout pas ce que je viens de dire, c'est vraiment une vraie boutade. L'USAP va mal, le football va mal. Mais le football, il y aurait un gros creux financier important. Et le président, c'est Boudjelal, non ? Messieurs, on vous retrouve la semaine prochaine, Henri. À l'heure. Oui, parfait. Tout à l'heure. Top chrono, sport mécanique. Allez, sport mécanique. Pendant qu'on va faire le sport mécanique, on va rappeler nos deux éditeurs, à la fois Bruce Caudron, qu'on va retrouver dans quelques minutes dans Focus, parce qu'il a un match très très important à Marseille. On va voir un petit peu dans quel état il est, puisque ce match sera télévisé. Bruce Caudron, c'est du K1, hein, c'est du K1, et il sera en direct sur l'équipe 21, nos confrères. Et on retrouvera aussi Lucas Damignani. On va tous les deux les appeler juste pour leur dire qu'ils passent dans quelques minutes. Mais revenons à ce 26e rallye Terre de Bocuse qui a tenu toutes ses promesses. On avait déjà déjà mis, on va dire, sur orbite le fameux Ferrou Cyril avec sa Citroën C4 WRC emprunté à, on va dire, un champion, plus qu'un champion, un énorme pilote qui s'appelle Jean-Marie Kyok. Eh bien, à la sortie, il casse. Paul Chies, qui avait l'intention de pouvoir venir grappiller, pourquoi pas, remporter ce Terre de Vaucluse. Il était deuxième avec une belle auto, la Peugeot 307 WRC, qui appartenait à Marcus Grönholm, juste pour le citer. Je peux vous assurer que les deux se voyaient beaux. Et bien, malheureusement, patatrac, dans le dernier tour, tout était joué. Et bien non, on a su par l'intermédiaire de Louis Priano que Ferrou Cyril, c'est pas la voiture qu'il a. C'est une pénalité de 5 minutes pour ne pas avoir pointé comme il faut au pointage horaire. C'est son copilote qui a fait une erreur de pointage. Son copilote qui pointait un tout petit peu trop tôt. 5 minutes. Qui prend 5 minutes de pénalité. Ferrou, sur le coup, s'est un petit peu énervé, remonté dans sa voiture et a annoncé son abandon immédiatement, quasi immédiatement. Ne pouvant plus jouer la gagne, ben voilà, il a préféré, plutôt que de continuer à rouler sur les spéciales, il a préféré sortir du rallye. Alors, le schéma tactique, bien sûr, mais c'est le Lionel Beau qui était annoncé, bien sûr, avec une Ford Focus WRC. Lui devait remporter mathématiquement par rapport à sa qualité et le personnage et surtout son implication dans le rallye sur terre, ce Terre de Vaucluse. À la sortie du premier tour samedi à midi, on faisait le pointage, il était 8e, il avait presque 2 minutes de retard. On s'est dit, il ne pourra plus gagner. Il revient dans les 3 dernières spéciales de la journée samedi après-midi, et bien à la rentrée au parc, il n'a plus que 1 minute 17, ça veut dire que c'est un petit peu l'épouvantail. Il secoue un petit peu tout le monde par son talent et il éclabousse, on va dire, les deux leaders, le leader surtout, Ferrou Cyril. Et puis il se dit, ben, tant pis pour moi, Lionel me confie à l'entrée au parc qu'il va essayer d'aller chercher Paul Chies qui est à 40 secondes, mais il ne peut pas aller chercher Cyril Ferrou. Et bien à la sortie, il pousse un petit peu tout le monde à la faute parce qu'il met la pression. Et il remporte ce Terre de Vaucluse brillamment. Et puis derrière, Jean-Luc Morel, qui n'espérait qu'une 5e place et qui ne voyait pas venir le podium pour lui, et bien patatrac, il se retrouve au 3e. Et pour lui, ben, c'est du grand bonheur. Et bien sûr, le second, c'est Devezale, lui aussi de Saint-Raphaël, qui était venu pour faire quelque chose, mais avec une voiture en moindre, puisque c'est une Subaru Impreza de 2013. Il était un petit peu derrière. Il s'est dit, c'est peut-être pas pour moi, là non plus. Et bien lui, il finit second, messieurs. C'est beau, hein? Ouais, c'est magnifique. Beau. Et Fred, je vais revenir sur tes propos, juste pour signaler que quand même, malgré les deux abandons de Chies et de Ferrou, Lionel Beau, c'est pas un vainqueur par défaut, hein, parce que il les a poussés à la faute. Ah, c'est et notamment dans la dernière spéciale du matin hier, dans la numéro 7, il se permet quand même de remporter le scratch devant ses deux coéquipiers, enfin devant ses deux adversaires. C'est un beau vainqueur malgré tout. Malgré tout, c'est un superbe vainqueur. Et puis on fera une petite place à Corinne Garcin. Elle vient des Alpes, ils viennent eux aussi faire Terre de Vaucluse. Ils se préparent bien sûr au premier championnat qu'il va y avoir sur neige, du côté de chez eux, du côté de Gap. Elle courait avec Dupont Ronald. Eh bien, sur une Saxo TCS, ils ont gagné leur classe. Ils étaient ravis et on les a interviewés. Mais je vous propose d'écouter d'entrer. Oh ben, vous le connaissez, il est de Piolenquois, Jean-Luc Morel, 3e de ce Terre de Vaucluse. Et il en a presque eu la larme à l'œil quand il est arrivé parce que c'était inespéré. Il y a 8 ans qu'il n'était plus monté sur ce podium et qu'il avait brandi une coupe. Jean-Luc Morel. Comme Morel, 3e, tu montes sur ce podium. Tu étais très heureux. 8 ans qu'on attendait ça. Je crois que là où on ne t'attendait pas, c'est cette fois-ci, ça a payé. Ben oui, on peut dire comme ça. Voilà, sans pression. On va dire, on a avec ma voiture qui va partir maintenant, qui reste quand même une groupette, mais une bonne auto. Et on a fait ça comme on fait un rallye du championnat. Là, sans pression, et ça, d'entrée on était dans le coup, on est monté crescendo, on n'a rien lâché et ça a payé. Ouais, parce que l'année dernière on parlait, c'est vrai que tu as fait plusieurs manches en terre, mais tu m'as dit bon, sans pression, sans vouloir essayer d'écrire quelque chose, et là tu viens, tu sens que ça peut payer, tu vas jusqu'au bout, tu adores ça. Par contre, ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, où c'est que quand tu es un petit peu, on va dire, dans le dur, c'est à ce moment-là que tu te révèles, on va dire, vraiment un concurrent redoutable. Oui, on peut dire comme ça. Après, c'est vrai qu'il y avait des spéciales que, ben, comme Kéran qui m'avait souri dans le passé et j'avais une mauvaise passe avec cette spéciale-là. J'avais plus à m'y faire, à y rentrer dedans, comme on peut dire. Et Kéran, c'est un peu le baromètre. Quand tu es bien à Kéran, je pense que tu es bien de partout. Et ça a été le cas, on a été bien de partout. Après. Jean-Luc, à la suite ? Ben, à la suite, on verra l'année prochaine. En fait, cette année, peut-être, on fera peut-être le rallye hivernal, le nouveau rallye hivernal avant Noël, peut-être. Ça se décider dans la semaine. Et la suite, ben, l'année prochaine, hein, en tant que grand passionné de sport automobile, de rallye terre, d'asphalte, on verra quelques rallyes terre, quelques rallyes asphalte et surtout, ben, il faut penser un peu surtout au budget parce que ça coûte quand même un peu d'argent tout ça. Alors bon, on verra coup par coup. Voilà pour Jean-Luc Morel. On va continuer avec, bien sûr, le vainqueur de ce terre de Vaucluse. Eh bien, c'est Lionel Beau. Lionel Beau, vainqueur de ce rallye terre de Vaucluse, 26e. Tout à l'heure, vous évoquiez le Dakar, vous évoquiez 30 ans d'être venu au rallye terre de Vaucluse. Et là aussi, qu'on ne vous attendait pas, presque parce qu'on avait la Fiesta, Ford Fiesta, on s'était dit Lionel Beau a une voiture pour gagner. Cette fois-ci, ça a été la Focus. Et on a gagné terre de Vaucluse. Eh oui, avec une Focus. Alors pourquoi le choix de la Focus? Tout simplement parce qu'elle a un moteur fabuleux, c'est un moteur de litre. Et puis on s'est rendu compte qu'avec la Fiesta, on avait un moteur 1600 et on s'est rendu compte que contre la C4, qui elle a un moteur de litre, et notamment quand elle est pilotée par Jean-Marie, c'est extrêmement compliqué. Donc on a testé la Focus au Gardabel et puis effectivement ça nous a beaucoup plu. Et là on concrétise, on confirme que je pense qu'on est plus vite avec cette voiture. Donc, du coup, ça va être le choix pour l'année prochaine. Parce que, bon, on aimerait bien quand même gagner ce championnat. Jean-Marie, il va très vite et avec une super voiture, une belle équipe. Mais je pense que l'année prochaine, je pense qu'on a peut-être la voiture qu'il faut peut-être pour aller se battre avec lui et puis essayer de le faire douter. Surtout qu'il ne faut pas galvaniser cette victoire. Parce que cette victoire, elle est venue parce qu'on a mis la pression sur les autres pilotes. Et ils sont allés, bon, pas la faute, mais ils ont cassé parce que peut-être ils ont demandé à leur mécanique plus que ce qu'on pouvait leur donner. Parce que derrière, il y avait Lionel Beau qui était déchaîné, on va dire. Oui, bon, on a rien lâché, hein. On a continué à rouler avec le rythme qu'on avait et on a rien lâché. Samedi après-midi, on fait les scratchs. Aujourd'hui, on a fait tous les scratchs aussi. Malgré tout, Cyril a bien roulé. Paul aussi avec la 307. Après, il a eu un souci mécanique, ça peut arriver. Mais effectivement, de toute façon, on l'a encore vu ce week-end, la course n'est jamais finie. Même lorsqu'on part, comme c'était notre cas samedi matin, 12e, on se dit c'est pas possible de gagner. Bah si, c'est possible de gagner. Comme quoi qu'il ne faut jamais rien lâcher. C'est vrai en course automobile, mais c'est vrai, je pense, partout. Il faut toujours y croire et il y a des fois ça sourit comme ça nous a souri ce week-end. Lionel, 2017, peut-être ça pourra te donner d'avoir le titre parce que tu sais que tu peux gagner partout, puisque terre de Vaucluse, on va dire que tu l'avais jamais gagné, mais c'est fait. Oui, on l'a jamais gagné, mais bon. Encore une fois, si Jean-Marie repart, c'est quand même. Et puis, il peut y avoir aussi d'autres pilotes. On a vu Cyril qui était rapide avec une très bonne voiture aussi. Donc, je pense que, en tout cas, c'est bien parce que le niveau est relevé de ce championnat. Et puis, du coup, ça attire du monde, ça crée de l'engouement. Et moi, je suis très content de pouvoir y participer. Donc, on est très, très heureux de pouvoir bien préparer l'année prochaine. Mais en tout cas, je pense qu'il faudra compter sur nous. En tout cas, on va tout faire pour. Le Dakar ? Alors, on ne va pas faire le Dakar cette année parce qu'on a une mauvaise expérience l'année passée au Dakar. Ça a été très compliqué. Par contre, on a reconstruit un buggy. On part sur l'Africa Race, qui est une course organisée par Jean-Louis Schlesser et René Medge. C'est l'ancien Dakar. C'est 15 jours, les 15 premiers jours du mois de janvier, avec aussi quelques très, très bons pilotes. J'ai entendu que Thierry Magnaldi et d'autres seraient présents également. Donc, c'est l'ancien Dakar avec les dunes, avec le sable pendant 15 jours, avec l'esprit du Dakar. Donc, on part de Monaco le 31 décembre. On arrive au Lac Rose, si tout va bien, le 15 janvier. Et ça va être une très, très belle expérience aussi. En tout cas, je l'espère. Ma dernière question, Lionel Beau, sable, terre, c'est son, on va dire, c'est son terrain de jeu. Oui, ben la course automobile en général, bon, moi ça, j'en ai besoin parce qu'à côté de ça, bon, je suis un chef d'entreprise et j'ai besoin de ces courses avec de l'adrénaline, j'ai besoin de la compétition parce que voilà, ça me permet d'avoir un équilibre et puis j'ai la chance d'avoir autour de moi une superbe équipe qui me prépare des voitures merveilleuses. Donc on se fait énormément plaisir et puis encore ce week-end de venir ici et de voir Louis avec toute son équipe, de voir le monde qu'il y a sur ce rallye-là. C'est vrai que ça, on y passe vraiment des très très bons moments. Donc on avait vraiment à cœur d'être avec Louis là parce que on sait que ce Terre de Vaucluse était un peu particulier comme il ne faisait pas partie du championnat cette année. Mais quoi qu'il en soit, nous on était là et on reviendra, ça c'est sûr. Félicitations à Lionel Beau par sa franchise. Son amour pour Terre de Vaucluse avait attendu 30 ans. Ça veut dire qu'il était là quand le rallye était régional. Eh bien, ça veut dire qu'il a été toujours fidèle au team Trévois Courtaisonnais et un personnage qui s'appelle Louis Priano. Louis Priano qui arrive à fédérer autour de lui, qui arrive à, malgré le fait qu'il soit sorti du championnat de France, qui a gardé un plateau au moins aussi étoffé que celui qu'il avait lors des matchs du championnat de France. Et puis les partenaires sont restés, les spectateurs sont toujours là. On n'a pas vu de différence entre le rallye national Terre de Vaucluse et le rallye de championnat de France de Terre de Vaucluse. Même engouement, même voilà, c'est Louis, les mecs sont là parce que c'est Louis. Allez, on écoute Louis Priano. Loulou, et après on verra Corinne Garcin. On est avec Louis Priano, le président du team. Ce 26e rallye Terre de Vaucluse a été éblouissant. Je crois que les pilotes ont été très heureux. Même qu'ils n'appartenaient pas au championnat de France, ils ont fait comprendre que c'est l'un des plus beaux rallyes sur Terre, puisqu'on a quand même des témoignages de certains pilotes. Je crois que Louis, on est très très satisfait de ce 26e. Et moi, je me félicite d'avoir partie du championnat de France parce que bon, tout le monde me connaît, quand je dis quelque chose, je le fais. Je veux bien revenir en 2017, à condition que ce qu'on m'a accordé cette année, on me l'accorde en 2017. Et il y a eu beaucoup de monde, comme vous avez pu le constater. Pas d'accident, très beau rallye. Les grands pilotes qui étaient là, c'est dommage que Paul Chias et Cyril Ferraud et qu'ils aient cassé, Cyril était en tête, il a bien nominé. Et une erreur de son copilote qui a pointé 5 minutes en avance, il se prend 5 minutes de pénalité. Et c'est pour ça qu'il a quitté le rallye, il est rentré chez lui. Bruno Sabi m'a dit ces mots à l'arrivée. C'est l'un des rallyes sur Terre où c'est que je me suis le plus régalé. Et encore bien plus parce qu'il courait avec son fils. Il m'a dit ça restera l'un des plus beaux rallyes. C'est impressionnant quand tu as un personnage comme lui qui a couru sur tous les terrains du monde et dans tous les pays du monde, quand il dit que le rallye Terre de Vaucluse, c'est quelque chose. Et Bruno, ça m'a fait plaisir qu'il soit venu, car c'est un ami de longue date, et c'était le pilote de Jean-François Fauchil, et c'est pour ça qu'il a quand même gagné le Dakar, le Monte Carlo, le Tour de Corse, et venir au Vaucluse avec son fils, ça me fait énormément plaisir. Louis, l'année prochaine, ça sera une autre page qui va se tourner, ça va être le 27e. On garde toujours les mêmes ou il va y avoir de l'amélioration? Question spéciale, non, parce qu'on a tellement de beaux parcours comme ça. Ce qu'il y a l'année prochaine, ce sera le 27e, mais moi aussi, j'aurai un an de plus. Merci. Alors voilà, je crois que Louis Priano, incontournable personnage de ce team Trévois, et surtout, c'est Louis Priano. Point. C'est lui qui fait venir les gars. C'est lui qui fait venir les gars. C'est lui qui arrive à fédérer. Et puis, c'est un patron modèle, Fred. On l'a vu hier pendant qu'on déjeunait. Il n'hésite pas à ranger les chaises, il n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Il est de partout. Il parle aux pilotes, il sert à manger. Mais c'est Louis Priano. C'est juste ça. C'est son rallye, c'est son bébé. Oui. Eh bien, je vais te faire écouter ceux qui sont dans l'ombre, la famille Garcin. Alors, il y avait toute la famille. Le mari courait sur une autre voiture, Corinne Garcin, ses enfants. Tout le monde était réuni à Terre de Vaucluse. On prépare bien sûr le rallye hivernaux qui va se passer du côté de Gap, juste avant le Monte Carlo. Je propose d'écouter ceux qui sont dans l'ombre, les petits pilotes, ceux qui viennent se faire plaisir, ceux qui viennent se battre pour gagner quelque chose. Parce qu'ils ont gagné, leur classe quand même. Il faut reconnaître que Corinne Garcin était très heureuse de ce rallye Terre de Vaucluse. Là, on fait parler, on va dire, les moins huppés, mais ceux qui font le rallye Serre de Vaucluse. Saint-Corino, on va parler un petit peu de... Vous avez fini premier de classe, le pilote est parti, c'est vous qui récupérez un petit peu les trophées. Vous êtes contente d'être venue à Terre de Vaucluse? Oui, super contente, un super beau rallye. C'est notre deuxième rallye sur Terre. Voilà, quoi. Ça s'est passé. Alors, quand on parle un petit peu de gens, de pas de notoriété, on emmène toute la famille, c'est un petit peu un voyage, quoi, de partir sur un rallye d'Art de Vaucluse. Ça, c'est sûr. Pour tous les rallyes, on s'amuse. Toute la famille ici? Toute la famille fait des rallyes. Alors, comment ça s'organise? Parce que pour venir pendant deux jours en Vaucluse, il y a quand même tout un programme à préparer. Ben bien sûr, on s'organise pour trouver des logements, à se faire prêter pour financièrement réduire le maximum des frais. Et voilà, et on part entre amis. Dites-moi, quand on parle de rallye terre, parce que vous m'avez dit, vous pouvez être parti, Gapensé, vous êtes plutôt glace et neige, vous? Oui, glace et neige, ça c'est certain, mais la terre, ça fait 25 ans qu'on y trame dedans également. Mon mari a couru pendant 25 ans sur la terre. Donc je connais bien la terre. Aujourd'hui, copilote alors, pas avec votre mari ici? Non, avec mon mari, maintenant c'est notre fille qui a pris la place à côté. Moi, je cours avec un ami. Merci beaucoup. Voilà, Corinne, on les félicite. Je crois que ce soir, ils nous écoutent sur le web du côté des Hautes-Alpes, puisque je leur avais dit qu'ils passeraient dans le Top Chrono Week-end. On les embrasse et on espère les retrouver, bien sûr, du côté de Gap, où je serai bien sûr là pour le Monte Carlo. C'est autre chose. Jean-Yves, pour en terminer, Bruno Sabi, venu à Courthézon. C'était peut-être sa dernière apparition. C'est pas sûr. Il a tellement pris du plaisir que c'est pas sûr que ce soit sa dernière. Ouais, il était un petit peu moins catégorique hier soir à la fin du rallye quand tu lui as posé la question, est-ce que tu reviendras, est-ce que c'était ta dernière? Là, du coup, il hésite un petit peu. Il a pris un plaisir de folie. Il a donné un plaisir à tout le monde. C'était émouvant de revoir Bruno Sabi au volant de cette Lancia Delta à Chef. Et puis le type, malgré son âge, malgré les années qui passent, il se permet de claquer un scratch à la dernière. Bravo. Félicitations, monsieur. Allez, Horizon avec le magazine en musique, messieurs. Et oh, merci, c'est bien, Gilles. Coupe bien le micro, parce que sinon, Gilles, il confond entre lundi, le dimanche. Non, non. Oh, le taquine. Non, mais... Vas-y, Gilou. Gilou, il est adorable. Il nous fait des pièges. Non, il est adorable. Allez, on passe, bien sûr, le magazine au Focus. C'est le rendez-vous du week-end. Tendez bien vos oreilles, prenez les stylos. Et surtout, vous savez que la rediff, ça sera le mercredi soir. Vous pourrez à nouveau marquer tout ce que va vous dire la charmante Monique. Eh oui, je remplace Marie ce soir pour les petites sorties. Alors, mercredi 16 novembre, on vous propose un cross-country organisé par l'UNSS, comptant pour les championnats départementaux, de 10h30 à 16h30 à l'hippodrome Roberti au Pontet. Le mercredi 16 novembre, vous avez également à 20h Run in the Dark. Une course nocturne avec deux distances vous seront proposées, un 5 km ouverte aux marcheurs et un 10 km pour les coureurs. Une course solidaire, aucun chrono, pour collecter des fonds pour la recherche contre la paralysie. Le jeudi 17 novembre, la MJC d'Altin-les-Palus organise une randonnée de 3 heures de Saint-Didier au Bossé. 7 500 km avec un dénivelé de 170 mètres, départ à 13h30 du parking de l'école primaire de Saint-Didier. Et également, la MJC de Carpentras organise les lundis, mardis, vendredis et samedis de 9h à 11h30 des sorties de marche nordique avec Denis Meyer. Des cours d'essai gratuits vous sont proposés. Et pour plus de renseignements, Denis Meyer, 06 83 20 36 31. Du 16 novembre au 18 décembre, tournoi de tennis indoor à Bolène, simple homme et dame de non classé à zéro. Récompense 990 €. En espèces et lots, inscription 04 90 40 48 36. Et enfin, la petite dernière, le dimanche 20 novembre, course à pied conviviale du Castelas à Rochefort-du-Gard, la foulée des vignerons du Castelas. Alors, le but de cette course, c'est évidemment de gagner, mais aussi de venir déguiser. C'est un 10 km 5, départ 10h à la cave des vignerons du Castelas. Voilà, frère. Ah, mais c'est parfait, mais on va continuer comme ça. Alors pendant ce temps, on va appeler Bruce Caudron, parce que c'est la nuit des champions. On a envie de savoir comment va le Mazané, mais on va rester avec la petite musique pour l'athlétisme avec Didier Bogot. Top chrono, athlétisme. On est en train de tout mélanger, mais c'est ça l'émission, c'est ça le direct. On est très heureux que vous soyez avec nous en Top Chrono Week-end. Didier, la Bacchanale, c'est ta maison, la Romaine. Et oui, la Bacchanale, c'est une incontournable du paysage vauclusien, sachant que la Bacchanale existe depuis presque 30 ans, cette course. Elle rentre quand même, comme je le disais tout à l'heure, dans le paysage vauclusien, en même temps que la saison de cross. Et il y a du monde, un peu moins peut-être que d'habitude, mais on rencontre des grosses voitures, tout en sachant que Lucine Jarry, qui est maintenant a débrayé avec son club de Martigues, il vit à Orange, où va-t-il signer? Bon, c'est lui qui s'impose, c'est un vétéran, mais c'est un vétéran qui est connu depuis une dizaine d'années, ici en Vaucluse. Cet athlète, bon, a gagné avec une marge suffisamment importante, hein, puisque on connaît son palmarès, autant sur 10 000 et sur 5 000 mètres. Alors il s'impose aussi devant Edouba qui est d'Avignon, Azomi Avignon, mais c'est là-bas, c'est Avignon le pont athlétisme. El Ouazizi qui est un garçon qui nous vient de Carpentras. El Ouassini, pareil, ils mettent au Bignosc, mais pour l'instant, est-ce que c'est leur nouvelle couleur d'un autre club? Ce sont des Carpentrasiens. Bouchouk, ils mettent Tarascon, mais Bouchouk qui était au CSMA. Ensuite Saber, c'est pareil, CSMA. Et chez les filles, c'est une jeune femme qui est une Vaisonnaise, qui fait partie du club du Ventoux Trail, qui est Alexia Coudray, et qui au scratch fait 31e avec les garçons. Et le chrono, si on le regarde par lui-même sur un parcours quand même qui est difficile, hein, puisqu'il faut savoir que la Bacchanale nous permet en même temps de visiter la Romaine, mais à travers du pont romain jusqu'au Thé Atlantique avec un passage dans les Fouilles. Donc c'est vraiment le top au niveau de cette course. Alors cette jeune femme qui s'impose donc en 47-55, elle n'a pas à rougir puisqu'elle se prend quoi 8 minutes par le premier. Connaissant Lucine Jarry, le garçon encore ici, il se met à courir avec il est avec les seniors. Et si on le mélange avec l'élite française, il est capable de rentrer dans les 30-20 meilleurs français encore. Pour un vétéran. Didier, on va revenir avec toi, mais place au direct, on va revenir, t'inquiète pas, on va revenir sur cette Bacchanale et surtout sur l'athlétisme, mais on part très très vite du côté de Bruce Caudron, notre champion de Mazan, notre champion du monde et celui qui a gagné bien sûr la ceinture du World GBC Tour cette année. Un nouveau défi l'attend du côté de la Nuit des Champions à Marseille, c'est la ceinture dans la Nuit des Champions dans les 70 kilos. Salut Bruce. Bonsoir aux auditeurs et bonsoir aux chroniqueurs. Ouais, Bruce, ce soir, on vient un petit peu voir, on va dire, pratiquement à 72 heures d'un immense rendez-vous, parce que tu vas rentrer dans ta bulle comme tous les boxeurs. Tu vas rentrer pleinement dans cette nuit de champion où un défi, un beau défi, est annoncé avec, je vois, tous ces combats qu'il va y avoir sur l'équipe 21. Bruce, ton état de forme ce soir? En bonne forme. Bon, on est en pleine préparation. Donc, on a fini samedi la dernière mise de gants. Faire les derniers petits réglages par rapport à mon adversaire que j'aurai en face samedi soir. Puis voilà, aujourd'hui c'est vraiment une petite séance d'exclusivité ce matin. Cet après-midi, le son pour remettre tout ça en place. Voilà, il y aura encore deux séances de demain. Et mercredi, peut-être une dernière séance. Après, hop, je coupe crescendo jusqu'à la pesée qui aura lieu vendredi. Vendredi soir, 24 heures avant l'événement. Et samedi, l'affrontement face à Chingiz Alazov. Le Biélorusse que ne présente plus. Ouais, parce que je regarde un petit peu ce tenu de champion. Il va y avoir deux championnats du monde WMC. Il va y avoir une ceinture WKN dont tu es tenant du titre. Dans exactement. Là, ça sera les poids lourds. Il y aura bien sûr Edi Slimani, lui aussi. Hein, il semble avoir un adversaire quand même à sa hauteur, lui aussi, non? Ah oui, ce japonais est très, très, très fort. C'est parti des trois meilleurs mondiaux à 65 kilos, toutes fédérations confondues. Là, on parle plus de fédérations, c'est comme dans tout, on parle souvent des fédérations, mais c'est les champions qui font les fédérations et pas l'inverse souvent. Donc voilà, donc là c'est un japonais qui est très très fort, qui a beaucoup de métiers. Dernièrement il a fini finaliste d'un tournoi à trois tours où il a perdu en finale. C'est pour le titre du Glory, donc il a boxé au Canada, il boxe partout au Japon. Ouais, c'est vraiment un boxeur qui est très fort et qui a le même âge qu'Eddy, comme 23-24 ans tous les deux. Ce qui me fait plaisir quand on regarde cette affiche, encore une fois, Bruce, c'est pas pour vous mettre à la pression les garçons, mais vous êtes pas parmi les, on va dire, les quatre, il y a quatre combats, vous faites partie du tableau final et vous êtes de Mazan. face à toutes ces pointures qui sont devant vous là, et vous faites partie des meilleurs du monde, et cet Amazon que ça se passe, c'est magnifique. Ah ben on a la chance de durer, on a la chance, on travaille pour aussi. Je pense que c'est un travail surtout. Pour la Ligue des Champions, c'est ma 12e participation en tant que combattant. Ce sera mon 13e combat. Je suis le boxeur français, bon après surtout français, parce qu'il y a pas mal de Français qui ont été, qui a le plus de participation à cette prestigieuse soirée, qui est la Ligue des Champions. Mais tu sais. Je suis toujours en haut de l'affiche et là je boxe la Chingiz Azov qui a 24 ans, qui a énormément de combats. Et que ça fait 2 ans qu'il est vaincu en ayant battu les meilleurs actuellement. Je verrai mes confrères de l'équipe 21 un petit peu comment ils te présenteront. Mais il faut, moi pour moi tu le sais, j'ai essayé de faire un petit peu de recherche dans les combats de boxe. Hein. Pour moi tu es le plus titré français depuis que ça existe. Quoi. Tu as été le seul qui a eu des ceintures dans différentes catégories. Tu as été champion du monde à chaque fois. En plus les avoir unifiés après à d'autres qui ont eu des titres qu'ils ont enchaînés. Bon, après, qu'ils ont peut-être pas unifié comme je l'ai fait, c'est sûr. C'est clair. Ça, c'est... Bon, tu as le moral, tout va bien. Ton départ pour Marseille, ça fera la dernière minute ou tu vas y aller un petit peu avant? Je pense qu'on va partir comme d'habitude, quelques heures avant pour arriver. On arrive toujours un petit peu avant le début de la soirée. Je crois qu'elle démarre à 18 ou 19h. On arrive toujours un petit peu avant, même si moi, je risque de boxer que vers 23h. Et Eddy va boxer un peu avant moi. Il y aura 2-3 combats qui vont s'intercaler entre nous, pour que l'entraîneur puisse nous préparer tous les deux. Et après, c'est le temps de se mettre dans nos vestiaires, se mettre en route doucement, se préparer, se chauffer, se mettre en condition. Et après, attaquer la chauffe pour le match. Et après, on arrive sur le match. C'est vrai qu'on arrive plusieurs heures avant les vestiaires, mais le temps passe très très vite. Parce qu'on sait ce qu'on a à faire. On est un peu préparé pour ça, en fait. Conditionné, on va dire. C'est un vrai pro. Excuse-moi de le dire. Ah, il le faut à ce niveau-là. Parce que le moindre détail, on le piquache. Surtout quand on est deux boxeurs avec cette frappe, on sait que le premier qui arrive de toucher, ça risque de descendre. Bruce, salut Jean-Yves. Salut Jean-Yves. Bruce, dis-moi, tu nous as parlé un petit peu de ce Biélorusse là. Tu m'avais dit la dernière fois qu'on s'était vu que c'était un type qui se préparait un petit peu à l'ancienne. Est-ce que tu en sais un petit peu plus maintenant sur lui? Ouais, je pense que je t'avais dit que c'est plutôt... Je t'avais pris comme exemple, ça risque de faire un match un peu à la Rocky, pour être franc. Ouais, c'est ça. Parce que, et moi, dans la peau de Rocky, bon, la différence, c'est pas un film, mais le scénario, on ne sait pas. Lui, c'est un peu le russe comme dans Rocky, donc plutôt technique, façon high-tech, tu vois. Même si c'est en train d'un cadre qui restait quand même à l'ancienne. Et voilà, quand on voit tous ceux de son team, ils sont tous phénoménales. Mais tout le team, ils sont tous préparés. C'était pareil. Voilà, il y a beaucoup de monde, ils sont dans le monde entier. Ils sont très très forts. C'est une team qui est très réputée. Voilà. Bon, par contre, lui, c'est un peu le phénomène, parce qu'il a 24 ans. Et c'est un peu la pépite. Ils disent que c'est un diamant, parce que voilà, il est déjà au top mondial. Et ils disent qu'il n'a pas fini encore de progresser. Voilà, si, ça va être tu vas lui couper sa progression, non, Bruce? Pardon ? Tu risques d'y couper sa progression, tu vas lui couper la croissance à lui, je crois. C'est toi qui as pour mission de lui couper la croissance, c'est ça ? J'aurais pour mission d'essayer, parce qu'il y en a beaucoup d'essayer, et qui ont encore réussi, personne en fait. Donc, que ça, très, très compliqué, mais après, c'est que sur un coup, il a un manteau comme tout le monde, il a beau être biélorusse, il est avant tout un être humain, voilà. Et ça, je te fais confiance. Bon, ça va être compliqué, parce qu'il a des très beaux genoux, on le voit, il a un gabarit, il fait 1m82 pour 70 kg, moi j'en fais 1m73. Mais bon voilà, quand je serai à mi-distance, mis à part ses genoux qui vont être très dangereux, j'aurai peut-être un avantage sur ma puissance. Plus que lui, c'est plus sa frappe, parce qu'il a plus du punch. Moi je suis quelqu'un de puissant. Et on te regardera bien sûr sur l'équipe 21, je le rappellerai dans la minute sportive. On sera de tout cœur avec toi, ouais. Quoi qu'il arrive, tu restes pour nous et pour mon cœur à moi un grand champion. Ah ben c'est là, bon combat, Bruce. Ce combat risque d'être très très explosif. Ouais, merci Bruce. Bon combat. Allez, ce soir, on est encore dans Focus. On va retrouver, bien sûr, on va dire les expatriés, joueurs de rugby professionnels qui jouent du côté de Béziers, l'AS Béziers Héros. Ah, messieurs, mais j'en perds mon fil depuis ce soir. On est à 200 à l'heure dans cette émission après la réalité de Vaucluse. Il a on est allé du côté de Mazan pour voir si Bruce Caudron était prêt pour relever ce challenge, puisque le match sera télévisé sur l'équipe 21 et on l'aura en direct à partir de 11h. Mais on s'intéresse surtout à Lucas. Luca Damignani, dont on est allé voir jouer face à Apt, je vais oublier, Mont-de-Marsan. Et malheureusement, il n'était pas entré. Mais par contre, cette fois-ci, il joue contre Colomiers. Et on voit un petit peu l'état de forme de notre arrière de cette équipe de Béziers. Comment tu vas, Lucas? Ouais, ça va très bien, très bien. Bonjour tout le monde. Bonsoir. On est cinq là, tous on est. Tu peux petits... dire tonton. Hein. Ouais. C'est la famille. Ouais, non, mais c'est surtout un joueur qui joue dans un le monde. Un joueur plein de talent. Ouais, plein de talent et qui joue en Pro D2 dans ce championnat qui est compliqué, Lulu, hein, si on y revient un petit peu en deux minutes. C'est très très dur et très dense, je veux dire, au niveau des résultats. Hein. Ouais, c'est très compliqué. On voit que toutes les équipes se tiennent, que tout le monde peut aller gagner chez tout le monde. Et voilà, il n'y a pas vraiment de leader comme l'an dernier, Lyon, qui se décroche de ce Pro D2 cette année. Donc, c'est un peu compliqué. Chaque week-end, c'est vraiment un combat. Chaque équipe peut aller gagner les uns chez les autres. Et voilà, il n'y a pas vraiment d'équipes qui vont jouer clairement la montée, le haut tableau, à part Ciné à Jeune pour l'instant, qui on voit son jeu un peu mieux en place. Mais voilà, au niveau des relégués, tout ça, on voit que Albi est toujours dans la course, malgré tout. Il y a Bourgogne qui s'écroche un peu. Nous, comme Béziers, voilà, on est dans le fond du tableau. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Lucas, Jean-Yves, bonsoir. Bonsoir. Justement, Lucas, comment ça se passe en ce moment à Béziers, parce qu'après un gros début de saison, vous marquez un petit peu le pas et les résultats ont du mal à s'enchaîner, non? Ouais, c'est compliqué. C'est sûr qu'on avait attaqué très bien. On gagnait d'entrée nos deux premiers matchs à la maison, où on a accès à Jeune qui était le leader de la Pro D2, quoi, on va dire. Et puis après, on finit le bloc en gagnant le premier bloc, c'est les cinq premiers matchs en gagnant Albi. Et sur ce deuxième bloc, donc les cinq autres matchs, on fait 0 victoire, donc c'est compliqué là. L'ambiance est un peu, le climat est pas, enfin, c'est un peu tendu, voilà, c'est une remise en question de tous et il faut travailler pour casser cette spirale au plus vite. Ouais, vous êtes passé du côté carrément de Colomiers, là aussi Colomiers qui fait un bon début de saison, parce que c'est long la Pro D2, hein. Tu peux te retrouver, les premiers peuvent se retrouver à lutter pour ne pas descendre, et ceux qui sont derniers se retrouvent en haut du tableau à la fin du championnat. Hein. Oui, c'est exactement ça, ouais, ça va tellement vite. Une victoire bonifiée, c'est 5 points, voilà, deux victoires bonifiées de suite avec plus 10 points. Enfin voilà, ça va très vite. Quoi. Tu vas retrouver ton ami la semaine prochaine, Lucas? J'espère qu'on va jouer tous les deux, ouais, mais ce serait avec grand plaisir de jouer contre mon ami d'enfance Joris le week-end prochain. Même s'il est bon, donc voilà. Tu as retrouvé tes sensations, Lulu, tu as retrouvé tes sensations, tu penses que tu seras dans le 15 de départ? Ouais, je me sens bien en tout cas. Moi je postule, je suis à 100%, je me sens bien. Voilà, je me sens très bien. Les entraînements la semaine dernière, on a eu une petite semaine de physique. Voilà, pour l'instant, je me sens à 100%. On a fait effet, voilà. Je me sens bien, j'espère être dans le groupe. Voilà, pour l'instant. Merci Lulu, merci pour ces bonnes nouvelles. On espère te retrouver dans les studios ce soir pour venir un petit peu s'étaler sur ta belle carrière à Béziers. Ben avec grand plaisir. Allez, merci à vous, passez une bonne soirée. Merci Didier, vas-y, le mot pour la fin pour Didier, parce que Didier qui voulait parler. Je ne vais pas parler d'Athétine, mais je vais parler d'un Vauclusien qui était au sommet de son art hier en Espagne à Valence. C'est Joan Zarco. Merci Didier. Septième succès. Et champion le garçon. Merci Didier. Ludo, qu'est-ce que tu as à dire, Ludo? Qu'est-ce que j'ai à dire? Vive le sport, vive le sport et vive le sport. Henri, on sait qu'on va on ira le 27, tu crois? 7. C'est sûr. Didier, oui. Evening, mon Dieu. Bonne soirée, bye bye, à très bientôt. Ce programme sportif vous a été offert par le groupe Béduci, votre spécialiste sanitaire, plomberie, chauffage, présent sur 12 points de vente dans la région. Plus d'infos, www.beduci.fr.